Leçon 4. Activité 2 et 3, page 120. Piste 94. Alice, je vais visiter la ville de Montréal, au Canada. Chouette. Et ta famille va visiter les États-Unis? Peut-être. Et tu vas quand au Vietnam avec ton père? À la fin du mois d'août. Tu vas comment au Vietnam? En avion. Achète-moi un souvenir du Vietnam, s'il te plaît. Oui, bien sûr.